Dies Ousmane Sonko, un combat pour la souveraineté du Sénégal. Dies Dies plan détaillé du livre. Dies Dies introduction générale. Dies Dies Dies le contexte de l'émergence d'un nouveau leadership africain. La vague souverainiste en Afrique de l'Ouest. Le désir de rupture avec les modèles post-coloniaux. L'aspiration de la jeunesse africaine à une nouvelle vision. Dies Dies Dies présentation d'Ousmane Sonko. Naissance à Thiès en 1974. Parcours professionnel, inspecteur des impôts et domaines. L'affaire de la radiation en 2016, le point de bascule. Dies Dies première partie, la formation d'un leader politique. Dies Dies Dies chapitre 1, des syndicats à la politique. La création du SED, syndicat autonome des agents des impôts et domaines. Les premières dénonciations des anomalies fiscales. La confrontation avec le pouvoir de Macky Sall. La radiation, une sanction qui forge un leader. Dies Dies Dies chapitre 2, la naissance du PASTEF. La création du parti en 2014. Les valeurs fondatrices, travail, éthique, fraternité. La construction d'un mouvement citoyen. L'élection comme député en 2017. Dies Dies Dies chapitre 3, les révélations qui secouent le Sénégal. Le livre Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation, 2018. Les accusations contre Macky Sall et son entourage. Le documentaire de la BBC. Solution, 2018, un programme pour le Sénégal. Dies Dies Dies chapitre 4, la candidature présidentielle de 2019. La campagne Sonko président. Le score de 15,67%, un exploit pour un nouvel arrivant. L'analyse des résultats, une nouvelle force politique. La mobilisation de la jeunesse. Dies Dies deuxième partie, la persécution et la résistance. Dies Dies Dies chapitre 5, l'affaire Hadji Sarr et la répression. Les accusations de février 2021. La thèse du complot politique. Les manifestations de mars 2021. La répression et ses victimes. Dies Dies Dies chapitre 6, le combat judiciaire. Les multiples procédures judiciaires. La condamnation pour diffamation, décembre 2023. L'invalidation de la candidature présidentielle 2024. Le rôle d'Emmanuel Macron selon Sonko. Dies Dies Dies chapitre 7, la mobilisation citoyenne. Les révoltes de 2021 à 2023. Le rôle des mouvements sociaux. La résistance pacifique. Le soutien populaire malgré la répression. Dies Dies troisième partie, le panafricanisme de Sonko. Dies Dies Dies chapitre 8, les racines idéologiques. L'héritage de Thomas Sankara. La référence à Mamadou Dia. Cheikanta Diop et la conscience africaine. Un panafricanisme du 21e siècle. Dies Dies Dies chapitre 9, le discours panafricain. Nous devons nous unir autour de l'essentiel. La visite au mausolée de Thomas Sankara. Les relations avec l'Alliance des États du Sahel, AES. L'appel à l'union des souverainistes africains. Dies Dies Dies chapitre 10, le panafricanisme en action. La tournée diplomatique, Guinée, Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Les rencontres avec Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Le dialogue avec Laurent Gbagbo. La vision d'une coopération sud-sud. Dies Dies Dies chapitre 11, un panafricanisme pragmatique. La différence entre panafricanisme d'opposition et de gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on arrive au pouvoir démocratiquement qu'on n'est pas révolutionnaire. Les priorités, sécurité et développement économique. Éviter les divisions sur les détails. Dies Dies quatrième partie, l'indépendance vis-à-vis de la France. Dies Dies Dies chapitre 12, une critique frontale du néocolonialisme. Plus de 60 ans après l'indépendance. La dénonciation de la France-Afrique. La critique de l'intervention en Libye. La France n'a ni la capacité ni la légitimité. Dies Dies Dies chapitre 13, le retrait des bases militaires françaises. L'annonce du retrait en 2024. Le refus de la version de Macron. La décision découle de notre seule volonté. Le calendrier, fin 2025. Dies Dies Dies chapitre 14, la réponse aux arguments français. Le mythe de la sécurité garantie par la France. Le rappel des tirailleurs sénégalais de 1939 à 1945. Sans eux, la France serait peut-être encore sous domination allemande. Le massacre de Tiaroy, 1944. Chapitre 15, une souveraineté non négociable. Le Sénégal est un pays libre, indépendant et souverain. La compatibilité avec des accords de défense. On peut avoir des accords sans garnisons étrangères. La banalisation des relations avec la France. Chapitre 16, la question monétaire. La position sur le franc CFA. L'ultimatum évoqué à la RTB burkinabé. La souveraineté monétaire comme enjeu. Les alternatives envisagées. 5e partie, la gestion des ressources naturelles. Chapitre 17, le secteur de la pêche, un combat emblématique. La situation héritée. Le pillage des ressources halieutiques. Les navires chinois, turcs, russes et européens. Les licences accordées dans l'opacité sous Macky Sall. L'enquête sur les attributions de 2018 à 2019. La mobilisation contre les licences étrangères. Le refus de 52 licences chinoises en 2020. La coalition des pêcheurs, transformatrices et ONG. Greenpeace et la dénonciation du pillage. Mal de mer, le rapport sur le Covid-19 et la pêche. Les réformes du nouveau régime. Le retrait d'une centaine de navires chinois faussement immatriculés, mai 2024. La nouvelle liste, 132 bateaux nationaux vs 19 étrangers. La transparence dans l'attribution des licences. Le gel des licences pour navires étrangers. L'impact sur les pêcheurs artisanaux. Le retour du poisson dans les eaux sénégalaises. La fin des migrations vers la Mauritanie. Les arrestations par les gardes-côtes mauritaniens, contexte historique. Le protocole de pêche Sénégal-Mauritanie renouvelé. La sécurité alimentaire. La protection de la sardinelle, yaboua, et du chinchard, diaé. Les ressources d'Emersal et le merlu. La fermeture des usines de farine de poisson. La lutte contre la pêche illicite. Chapitre 18, le pétrole et le gaz. Les accusations de spoliation. L'affaire Aliou Salé les $245 000. La gestion transparente des ressources. La transformation locale plutôt que l'exportation brute. Chapitre 19, l'économie endogène. La production nationale. La transformation locale des richesses. La rupture avec le modèle néolibéral. Le développement solidaire. 6e partie, l'accession au pouvoir. Chapitre 20, la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Le 24 mars 2024, un tournant historique. Le tandem Faye-Sonko. La libération de prison et la campagne éclair. Le message de rupture. Chapitre 21, la nomination comme Premier ministre. Le 2 avril 2024, chef du gouvernement. La composition du gouvernement. Les premières mesures. Le style de gouvernance. Chapitre 22, les législatives du 17 novembre 2024. Une victoire écrasante du PASTEF. L'Assemblée nationale transformée. Le mandat pour les réformes structurelles. Une révolution par les urnes. Chapitre 23, le panafricanisme de gouvernement. De l'opposition radicale au gouvernement lucide. Je n'ai pas renié mes idéaux, je les ai traduits en actes. Les premières réalisations. Les défis de la mise en œuvre. 7e partie, les défis et les controverses. Chapitre 24, les critiques et les oppositions. L'accusation d'imposture panafricaine. La distinction entre panafricanisme des institutions et des peuples. Les détracteurs et leurs arguments. La coalition des intérêts établis. Chapitre 25, la question de l'AES. Les relations avec les juntes militaires. Le Burkina Faso, Mali, Niger. Démocratie vs souverainisme. Le débat sur les moyens d'accès au pouvoir. Chapitre 26, les enjeux de société. La position sur les questions LGBTQ+. Un nouveau casus belli. Les valeurs africaines. Le refus de l'imposition externe. Chapitre 27, la continuité diplomatique. Rupture ou inflexion? Le multilatéralisme. La diversification des partenariats. La politique de bon voisinage. 10-10-10 8e partie, l'héritage et la vision. 10-10-10 chapitre 28, le modèle sénégalais. La transition démocratique réussie. Aucun coup d'État depuis l'indépendance. La stabilité constitutionnelle. Un exemple pour l'Afrique. 10-10-10 chapitre 29, la comparaison avec Mamadou Dia. Premier chef de gouvernement du Sénégal indépendant. Le développement endogène des années 1960. L'économie solidaire. L'histoire bégaye. 10-10-10 chapitre 30, de quoi Sonko est-il le nom? Le symbole d'un tournant générationnel. L'incarnation d'un changement de paradigme. La refondation de l'État. L'espoir d'une Afrique souveraine. 10-10-10 chapitre 31, les trois ruptures essentielles. Rupture économique, production et transformation locale. Rupture politique, souveraineté et dignité. Rupture stratégique, autonomie sécuritaire. 10-10-10 conclusion générale. 10-10-10 le bilan provisoire. Les réalisations depuis avril 2024. Les réformes en cours. Les résistances rencontrées. Les défis à relever. 10-10-10 l'impact régional et continental. L'influence sur les pays voisins. Le nouveau visage de l'Afrique de l'Ouest. Le leadership moral et politique. La contagion démocratique. 10-10-10 les perspectives d'avenir. Les enjeux des prochaines années. La transformation structurelle du Sénégal. Le rôle dans l'intégration africaine. L'héritage en construction. 10-10-10 réflexion finale. Sonko réussira-t-il son pari? L'équation entre fierté nationale et ouverture au monde. Entre radicalité des valeurs et pragmatisme des moyens. Une Afrique qui, enfin, se relève par elle-même. 10-10-10 annexe. 10-10-10 annexe 1, chronologie détaillée. 1974 à 2024, les dates clés. 10-10-10 annexe 2, discours et textes majeurs. Extrait des livres. Discours à l'UCAD avec Mélenchon. Interview à la RTB Burkinabé. Déclaration sur les bases militaires. 10-10-10 annexe 3, document de référence. Liste des licences de pêche, mai 2024. Statistiques sur les ressources halieutiques. Accord et protocole. 10-10-10 annexe 4, biographie connexe. Bassirou Diomé Faye. Ibrahim Traoré. Les figures du PASTEF. 10-10-10 annexe 5, glossaire. PASTEF, AES, CCALP, GEP. Termes politiques et économiques. Expression Wolof. 10-10-10 bibliographie. 10-10-10 sources primaires. Ouvrage de Sonko. Interviews et discours. Documents officiels. 10-10-10 sources secondaires. Articles de presse. Rapport d'ONG. Études académiques. 10-10-10 ressources audiovisuelles. Documentaires. Vidéos de discours. Émissions télévisées. Astérisque astérisque note méthodologique astérisque astérisque, ce livre s'appuie sur des sources diversifiées, incluant les propres écrits de Sonko, des témoignages directs, des analyses d'experts, et le suivi de l'actualité politique sénégalaise et africaine de 2014 à 2024.